to the trees, into the trees, into the moon. Need to restore my rhizomatic sister. Il y a une rouge. New Invisible Committee. Ocean. So cool for listen. Gavi Land, of course. Of course. Of course. Of course. Of course. Of course. Of course. Of course. Of course. Of course. Of course. Gavi Land on the place. Ouf. Proposition, c'est mieux que rien. Vous pouvez critiquer après tout. Moi, je trouve que c'est mieux que rien. Moi, j'aime bien les étoiles. Caviland nous lance. On sait pas si c'est de la harpe, c'est. Xylophone. Mais. C'est franc, c'est bon. Ça donne. Explore. Basé sur un sixteen time. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est pas. C'est bon. D'être bien entouré. Une enveloppe. Truc de fou, truc de dingue, truc de psycho. Ouais. Ça se passe dans la pensée, dans le cerveau. Ça peut passer par les pieds, le ciel, les étoiles. La beauté du monde, la beauté. Cercle vertueux. Quand des cercles, la beauté, la beauté, la beauté. Another dawn, another day. For you, for me, for all the family. Yeah, it's a system, you know. Me, you, all the system. It's a system. You know, you don't know, you don't want to know, but system, interaction, round the world, around the world, une biosphère totale. c'est le problème. Va falloir faire dans cette biosphère. Ouais. We know we need you. Share. And we do it in this new country, yeah. I hope you know you can. Tension existe quand même. On a beau faire attention, les tensions existent quand même. Ça reste. L'atmosphère est tendue. Comme dans les années 90, faut pas croire. 20 ans après, on contient. Les émotions, on prend de plus en plus sur nous-mêmes, mais ça craint. On absorbe, on prend, on accepte, on consent. À un moment donné, ça va péter. Faut pas croire. Faut presser. À un moment donné, va falloir arrêter de presser sur la masse. Le jus qui va en sortir sera mauvais. Violence. Agression, destruction, contre, humiliation, soumission, à genoux, va falloir répartir les richesses. Simplement, m'en donner. Exil fiscal. La Suisse, Luxembourg, Panama. Confisque, tu prends, interdit, t'annexes. Aujourd'hui, il va falloir se réveiller. Le confort moderne nous a anesthésiés. Et oui les gars, putain, wake up, Wake up. Wake up. Wake up, mama. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. This morning. Chacun sa chacune. Évidemment, pris par les événements. Saurait se soustraire au système. Ne saurait se soustraire au système. My Gavilan, I love you, thank you, my beau. Thank you, ma. No God, no Master. About to create situation. Allez, pas mal. Yeah. Comment finalement expliquer ce consentement? Comment expliquer ce consentement? L'abdication d'une génération. Moi je vous dis, les gars, wake up, wake up. Moi je t'appelle la vie. Hello, hello, hello. Baby love. My baby, I must be crazy. Dangerous. Dangerous wood. Yeah. I'm a danger. Danger, danger in this dangerous world. Danger, danger. Do you think I'm a danger? I'm a danger. But ay, but ay. I must be a devil between us. Ozama e, ozama do, ozama e, ozama do. Che yeah, yeah. Jay. I love you, I like it, I'm lucky now. Lucky now, lucky now, lucky now, lucky now, want you. Encore une fois, comme par hasard, le dernier a traîné encore là. Encore une fois, traîné encore là. Le dernier des hommes a traîné. Comment je me retrouve le dernier. Dans les derniers, on est différents, mais on est tous les derniers. Comme la course au premier. La course au dernier. Contre vent, contre courant. contre le vent, la horde. Intervention bénéfique. Bena à mon Zélo. Qui donne, qui propose, allez-y. It's a ninja of the sea. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Oh, I just don't. I don't want. We just don't. We don't want. We don't want. We don't want. Tu me forces, tu me forces vers dire des choses comme oh my god, oh my god, my god, my god. Where did you sleep last night? In the pine, where the sun don't ever shine. My girl, where the sun don't ever. Oh my girl, oh my girl, oh my girl, oh my girl, oh my girl, oh my girl. Where the sun don't ever, where the sun don't ever shine. Where the sun don't ever, where the sun don't ever shine. Where the sun never shine. Oh my god, oh my god. Where the sun don't ever shine. comment tout ça peut être passé sous silence. Des systèmes, plein de systèmes familiaux. Va falloir à un moment donné se regarder en face. Tous les systèmes, différents systèmes, famille, patrie. Briquet, peu importe. Assainir, nettoyer, relation de puissance entre hommes et femmes. C'est un homme, c'est une femme, évident, différence biologique, complémentarité évidente, parité et donc. Alors, man and woman, de quoi sera fait le futur de l'humanité? Il s'agira en effet, d'établir l'égalité hommes et femmes, évidence avant la catastrophe, avant la catastrophe. Annoncé depuis longtemps. On savait depuis longtemps que ça allait se casser la gueule. Le système allait pas faire long feu. On savait depuis longtemps. Puis les Romains, un volcan peut tout remettre en cause. C'est pas un dieu, c'est le volcan, c'est la terre, c'est notre mère. Juste une particule d'un petit peu à peu. Anthropologique way of life. Juste une particule un petit peu. Searching friends. Hope. Human condition universal. Liberté. Égalité. Fraternité. Innovation. love. Unconditional love. Love. Love you, ma. Papa. Sister. J'ai traversé l'océan Atlantique comme Christophe Colomb à l'époque. Amenant, soi-disant, la civilisation. Quelle qu'elle soit, est dangereuse. Si quelqu'un prétend détenir la vérité, danger. I will love. Hello. Yeah, we love. Yeah, we love. We are musicians. Yeah, we push. Yes. We scan. We scan. Big tata, big tata, big mama, big tata. After big papa, we are big mama. We need to whistle. Big brother, big tata, big mama. Ça réagit pas sur ces questions. Pourtant, toutes les données centralisées. Par les EA, faut pas l'oublier. Truc de fou, truc de da. On nourrit Big Data, Big Mama. Aucun contrôle gouvernemental bien posé. Champ libre à des fous, à des gourous, intelligence artifice, vitesse de dingue, truc de fou, truc de dingue. De psycho, ça va finir en prison. À mon avis, ça va mal finir. Ça va finir une chaise, une chaise, une chaise, my, une jail, jail. Chain ma. Chain, chain, chain. Chain my chain, chain. Chama. Must be a devil, but you know so holes in my head, holes in my door, holes in my, holes in my, holes in my. D'une maison bleue accrochée à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas ceux qui vivent là. On jetait la clé. C'est une maison bleue adossée à ma mémoire. On y vient à pied. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On jetait la clé. Quand San Francisco fondre.